Cette histoire est bien connue grâce à l'article de Françoise-Thérèse Charpentier, mais peut-être complétée grâce à un fonds particulièrement intéressant des archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Il s'agit du fonds d'Onders, dont malheureusement une part a été perdue avant son entrée aux archives départementales lors d'un bombardement pendant la Première Guerre mondiale. Initialement voulu par René II pour commémorer la mémoire de Charles le Téméraire, mort lors de la bataille de Nancy du 5 janvier 1477, le monument fut d'abord une croix votive. Un manuscrit de la bibliothèque de Nancy conserve le souvenir de ce dernier monument qui, en 1534, était une croix de Lorraine dotée d'une inscription rappelant la mort du duc de Bourgogne et dans le même temps la victoire de René II. Il est à noter qu'il est ambigu de parler de monument de la Croix de Bourgogne ou de place de la Croix de Bourgogne, car dès l'origine, semble-t-il, c'est une croix de Lorraine et non une croix de Saint-André, une croix en sautoir, donc l'emblème des Bourguignons, qui fut représentée. Avec le temps, le monument devient un monument à la gloire des ducs de Lorraine, puis de la Lorraine. En mauvais état au début du XVIIe siècle, il est reconstruit à l'initiative du gouverneur de Nancy, Élisée de Haraucourt, en 1610. Il se dégrade à nouveau avec le temps, puis semble disparaître dans la tourmente révolutionnaire. Au début du XIXe siècle, il est question de rallumer la flamme de ce souvenir lorrain, mais le pouvoir central semble réticent, comme en témoigne une lettre du préfet de la Meurthe au maire de Nancy du 8 février 1816. Selon lui, ce projet entretiendrait, renouvellerait même les animosités de contrée à contrée du régime féodal. Or, je le cite, « le Lorrain et le Bourguignon, autrefois divisés, sont devenus membres d'une même famille dont notre roi légitime est le père, et nous ne devons plus rivaliser aujourd'hui que de zèle, d'affection et de respect envers notre commun souverain. » Le monument fut cependant érigé en 1822. Une quarantaine d'années plus tard, Napoléon III, interpellé par la simplicité du monument lors d'une visite à Nancy, exprima son désappointement au maréchal Foret, commandant du 3e corps d'armée. Ce dernier le notifia alors au maire de Nancy dans une lettre du 14 janvier 1865 qui mentionne que « profondément touché de tout ce qui touche à nos gloires nationales, Sa Majesté lui a fait connaître qu'elle verrait avec plaisir s'élever sur cet emplacement resté historique un monument plus en rapport avec l'importance du fait qui s'y rattache et qui intéresse tout particulièrement l'ancienne province Lorraine et la ville de Nancy. » Cette volonté de Napoléon III resta lettre morte. Et ce n'est qu'en 1888, bien après la défaite de 1870 et l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, mais juste après l'affaire Schneble, est-ce un hasard, que l'intérêt pour le monument de la Croix de Bourgogne refit son apparition dans l'Express de l'Est du 12 février 1888 précisément. Ce n'est cependant qu'en 1892 qu'est créé le comité de la Croix de Bourgogne, un monument d'emblée revendiqué comme nationaliste, patriotique et célébrant le rôle déterminant de la bataille de Nancy, donc de la Lorraine, dans la construction de la France et projeté. Dans son allocution du 25 octobre 1892, l'architecte Thiébault, qui préside alors la commission provisoire de restauration de la Croix de Bourgogne, n'hésite pas à affirmer, je cite, que « deux fois, la Lorraine eut le grand honneur de sauver la France en attendant qu'elle se donnât à elle. Une première fois avec Jeanne d'Arc, la bonne Lorraine, une seconde fois avec René II, le grand Lorrain. » C'est une citation donc de l'immeuble et de la construction dans l'Est du 30 octobre 1892. Alors le comité lança un premier concours le 1er mars 1893, mais malgré la grande qualité de certains projets, il fut déclaré infructueux. Un deuxième concours suit, l'appel en est daté du 15 août 1893. Et le projet de Victor Prouvé et de Camille Martin est alors retenu. Mais ce projet a été, enfin le choix plutôt de ce projet a été contesté par l'architecte Lucien Imbert qui déplore le plagiat de son idée de vasque pour rappeler les temps Saint-Jean. Alors ici le projet avec la Vasque et pour évoquer les temps des grenouilles. Un projet assez... Bon, on comprend pourquoi le projet de prouvé finalement a été primé par le concours. En fait, c'est bien sûr une querelle opposant les architectes et les peintres, et c'est aussi une querelle opposant les anciens et les modernes, puisque Lucien Imbert est le tenant, enfin avec un autre architecte nancéen, le tenant d'un éclectisme d'inspiration plutôt classicisante qui s'oppose à l'art nouveau et à l'école de Nancy. Donc représenté par Prouvé. Le projet de Prouvé et Martin, exposant le cadavre du téméraire, fait scandale. Les tenants d'une certaine modernité, les principaux acteurs donc, de la future école de Nancy, s'opposent alors, dans la presse, aux détracteurs de l'œuvre, qui trouvent l'exposition de ce cadavre malsaine et humiliante pour la Bourgogne. En 1894, une décision de la Commission des monuments historiques, aux mains des architectes, tranche la question et conduit à l'abandon du projet de Prouvé et Martin. Le comité se dissout. En 1896, l'idée du monument réapparaît dans la presse. Puis, en 1898, le monument de 1822 est déclassé par la Commission des monuments historiques. Et finalement, un nouveau comité est créé en 1899, le 29 janvier. Il convient de noter qu'à l'occasion de cette création, un journaliste de l'immeuble et la construction dans l'Est décrit ce nouveau comité comme « un simple comité de quartier ne comprenant que des noms peu connus, presque pas de nancéens de vieille souche, aucun personnage marquant des paroisses Saint-Léon et Saint-Joseph, ni curé de ces églises, ni membre de cette ancienne noblesse lorraine qui seconda René II et dont les descendants existent encore au milieu de nous ». Et il en déplore surtout la teinte de dreyfusisme. C'est un article du 12 février 1899. À ce moment, il semble bien que les clivages politiques de la société nancéenne sont alors un obstacle réel à la réalisation d'un monument sur la place de la Croix de Bourgogne, et ce, malgré l'unanimité qu'il semble susciter depuis les origines. Le projet qui avorte une nouvelle fois est... La Croix de Bourgogne est, selon toujours un journaliste de l'immeuble et la construction dans l'Est, la Croix de Bourgogne est retombée dans les vases de l'étang. Régulièrement, la presse se fait écho de la survie de ce projet, mais rien n'avance réellement. Notons tout de même qu'en 1902, Albert Jasson, architecte de la ville de Nancy, propose une esquisse conservée dans le fond des archives municipales de Nancy que Françoise-Thérèse Charpentier n'avait pas relevée. On comprend là aussi pourquoi. C'est un peu comme les projets d'Imbert, c'est pas fondamental, et je pense qu'elle avait laissé de côté ce document qui a une valeur artistique très relative. Alors cette esquisse reprend dans les grandes lignes les projets de Lucien Imbert, et c'est ce que je viens de dire, mérite assez peu l'attention. Malgré la présence des principaux emblèmes lorrains, j'y reviendrai parce que les emblèmes lorrains en fait vont prendre place sur le monument tel qu'on le connaît de manière particulièrement remarquable. Alors en 1906, un troisième comité voit le jour. Il est présidé par Charles Donders, dont on voit ici une caricature. C'est un entrepreneur récemment installé à Nancy, et il est également président de l'association des Amis du Nouveau Nancy, donc de cette partie de Nancy qui est construite dans ces années fin 19e, début 20e siècle. Ici, c'est une caricature de 1929 où l'on voit sur la lance de tournoi qu'il tient des escargots, preuve de la lenteur de l'avancée de son projet de monument de la bataille de Nancy. Alors, malgré la lenteur que mettent en exergue ses détracteurs, Donders parvient à remettre le projet sur les rails, et le comité parvient à faire imprimer une brochure qui paraît à Nancy en 1907. Elle comprend le texte de la conférence de Christian Pfister, déjà imprimé en 1893, et deux textes inédits, l'un d'Albert Collignon et l'autre d'Émile Inzelin. Mais surtout, la couverture en a été confiée à Edmond Desrobert, ce spécialiste de l'héraldique auquel Prouvé fera ensuite appel. Auquel il a peut-être déjà fait appel, même pour le nouveau projet qu'il propose, donc que Prouvé propose en 1908. Mais les cartes postales de la maquette, comme vous pouvez le constater, ne permettent pas de l'assurer. On ne sait pas exactement, on peut supposer l'emplacement des armoiries du duc, mais la qualité des images est telle qu'on ne peut pas vraiment en être certain. Ce projet proposé par Prouvé en 1908 représente René II. Certains articles parlent d'un héros d'armes, mais c'est bel et bien René II, à cheval, brandissant une croix de Lorraine. La statue équestre devait être en bronze. On conserve des devis, notamment des fonderies du Val d'Aune de 1911-1912. Et cette statue équestre donc devait reposer sur un socle de pierre sculptée. Les critiques furent unanimement positives et la maquette de Prouvé reçut un très bon accueil. Elle fut notamment exposée au pavillon de l'école de Nancy lors de l'exposition de 1909, puis dans le péristyle de l'hôtel de ville. Mais la concrétisation du projet ne vint pas, malgré ce beau succès d'estime, faute d'argent. On notera que quand paraît en 1912 Un homme libre, second volet du culte du mois, Maurice Barrès consacre quelques pages à la victoire de René II sur le Téméraire. Il n'y déplore pas la ruine de l'ancien monument ou son absence de remplacement par un monument plus digne, et ce silence est assourdissant, me semble-t-il, de la part de celui pour qui, je cite, « En vérité, le service que René II a rendu à la Lorraine est immense, il lui a créé une conscience. Pardon. D'autant plus assourdissant que Maurice Barrès était membre du comité d'honneur depuis 1907. Afin de remplir les caisses du comité des fêtes, sont alors organisées en juillet 1914. C'est toujours la question de l'argent qui pose problème, donc on essaye d'en récolter. Et là, donc, on organise des fêtes de juillet. Le comité les prépare avec grand soin afin de recueillir le plus grand nombre de souscriptions. Et sont également vendues des vignettes et des broches à l'image du futur projet au profit de l'œuvre. Une nouvelle brochure est imprimée. Elle comprend notamment des textes d'Hippolyte III, de Léon Tonnelier, toujours d'Émile Inzelin et de René Avril. Alors, cette brochure est illustrée par Victor Prouvé. Et j'ai dit en introduction que le monument a d'emblée été pensé comme une proclamation nationaliste et patriotique, dont le rôle est de célébrer le rôle déterminant de la bataille de Nancy, donc de la Lorraine, dans la construction de la France. Le but n'est pas de rappeler la victoire de la Lorraine et l'humiliation de la Bourgogne, le but est de rappeler l'unité de la France et la fraternité des régions qui la composent, de rappeler leurs liens indivisibles dans un contexte où justement elles sont séparées. L'image illustrant le poème « Vive Lorraine et Bourgogne » d'Émile Inzelin me paraît particulièrement significative de ses préoccupations. La France prend dans ses bras deux fillettes, à droite la Bourgogne et à gauche la Lorraine, clairement désignées par les écus qui les accompagnent. Dans l'Est républicain du 14 juillet 1914, Léon Pirère conclut d'ailleurs son récit des fêtes du 12 juillet par cette phrase. Et sous cette croix, se sont réconciliés les ennemis de jadis, maintenant fraternellement mêlés dans l'unité française. Il me semble possible de mettre en parallèle cette image avec la sculpture « Le souvenir » de Paul Dubois, qui fut installée sur la place Maginot à Nancy en 1910. Le poème d'Inzelin et la vignette de Prouvé sont sans doute une source de l'actuel monument, différent de celui alors imaginé. Car malgré la beauté de la maquette, malgré le dévouement des uns et des autres, l'entrée en guerre contre l'Allemagne vint mettre un terme au somptueux projet de statue équestre de Prouvé. Moins d'un an après l'armistice, Charles Donders réaffirme au sein du comité la nécessité d'en finir avec le monument de la Croix de Bourgogne. Son propos est repris dans l'Est républicain du 30 juillet 1919 et son avis est partagé par un journaliste qui dit alors que, je cite, « Le monument de la Croix de Bourgogne doit rappeler une date essentielle dans l'histoire de notre patrie. » Et là, il parle de la patrie française et non pas d'une éventuelle patrie lorraine. Puis, le même journaliste fait un parallèle entre les événements de 1477 et ceux plus récents. Je cite encore, « Comme la France, de nos jours aidée par la République américaine, a plongé dans le néant les sinistres projets de l'empereur d'Allemagne, les Lorrains d'alors, avec le concours de la petite République suisse, détruisir les ambitions du mégalomane Charles le Téméraire, semblable par bien des côtés à Guillaume II. Le mois suivant, un nouveau comité se crée. Il se nomme désormais Comité du Monument de la Bataille de Nancy. Mais il faut aussi et surtout commémorer les morts de 14-18, voire la victoire elle-même. Autant de monuments à construire qui nuisent financièrement à l'élaboration du Monument de la Bataille de Nancy. Il est d'ailleurs question à un moment de fusionner ce dernier monument avec celui consacré à la victoire de 1918, qui peine lui aussi à trouver des fonds. En 1925, 7 ans après, le monument aux morts de Nancy est inauguré au cimetière du Sud, et vous me permettrez de voir une correspondance, une résonance entre ce dernier et celui de la bataille de Nancy, actuel. Le poilu gisant, avec à ses pieds, donc ici, là, c'est le monument, de la, le monument aux morts de Nancy, donc on voit un poilu gisant avec à ses pieds un écu à la croix de Lorraine, et il me semble qu'il est à comparer avec le duc debout, brandissant le même emblème qui est actuellement donc sur la place de la Croix de Bourgogne. Donc je reviens au monument de la Croix de Bourgogne proprement dit, et finalement Prouvé, encore lui, présente en 1924 un nouveau projet. Vous voyez ici quelques esquisses préparatoires actuellement conservées au musée Lorrain. Ces esquisses, en fait, répondent à plusieurs attentes. Elles ne sont pas toutes datées du même moment. Elles ne concernent pas exactement le projet. Parce que Prouvé a été obligé encore de proposer autre chose. En effet, il faut faire moins cher. Il faut donc faire plus simple. Le bronze initialement prévu est oublié. Le monument sera en grès rose des Vosges et sera orné de mosaïques, dont la réalisation est confiée à des ateliers parisiens, ceux de Gentil Bourdet. Alors, en 1927, le maréchal Lyautey, président du comité d'honneur, se rend à l'école des Beaux-Arts, où Victor Prouvé lui présente les maquettes des panneaux de mosaïque. Lyautey approuve alors, je cite, « l'idée réalisée de faire figurer les attributs du téméraire et les écussons aux armes de Bourgogne, de Comté et de Flandre, à côté de ceux de René II, de la Lorraine, de l'Alsace et de la Suisse. La réunion de ces emblèmes précisant que le monument est érigé en souvenir de la fin des luttes. » Donc ça, c'est une citation de l'Est républicain du 22 novembre 1927. On apprend dans le même article, c'est plus anecdotique, que le maréchal Lyautey, fervent traditionnaliste, regrettait la suppression de l'étang Saint-Jean, dont une petite portion existait encore au temps de son enfance, dans le voisinage de la Croix de Bourgogne. Il a constaté avec satisfaction qu'une grande vasque, établie à fleur du sol, devant le monument, remplacera ce vestige disparu et rappellera l'existence de l'ancien étang. Un an plus tard, après 40 longues années, le monument est enfin inauguré, le 2 novembre 1928. Le maréchal Lyautey et le président Poincaré ne sont malheureusement pas présents. Les cérémonies ont lieu sous une pluie diluvienne. La malédiction continue. Le monument Art déco ne séduit pas tous les Nancéens et les mosaïques ont coûté bien trop cher. Certaines inscriptions sont illisibles et il faut les refaire. On les refera donc en mosaïque. C'est quelques mois après l'inauguration, les inscriptions sont déjà jugées par les gens donc qui les voient. Le monument s'abîme et les choses sont illisibles. Donc on décide de les refaire en mosaïque. C'est celle donc que vous voyez ici. C'est en fait le début d'une fin relative pour le monument, puisque encore actuellement, il subit les intempéries et reste malheureusement assez méconnu des Nancéens qui le méjugent, le méprisent parfois. Quand on fait un petit sondage, qu'est-ce que vous pensez du monument de la Croix de Bourgogne? Ah, c'est quoi? Où c'est? Et puis sinon, c'est moche. Voilà, c'est les derniers commentaires que j'ai pu avoir. Alors, les mosaïques, description des... Bon, je vais passer assez rapidement quand même. C'est sur les emblèmes différents et les armoiries. C'est une évocation en tout cas du souvenir de la bataille de Nancy et de la victoire de René II, mais aussi, donc je le rappelle, une évocation de l'union de la Lorraine et de la Bourgogne au sein de la nation française. Je rappelle la vignette de Prouvé donc, qui illustrait tout à l'heure le poème d'Inzelin, « Vive Lorraine et Bourgogne ». Alors, Émile Inzelin, toujours lui, dans un article de l'Est républicain du 1er novembre 1928, intitulé cet article « Pourquoi le monument de la bataille de Nancy 1477 ne respire que l'amitié de la paix ?» Donc cet extrait est explicite, je cite « Au monument de René II sont inscrits les noms de la Lorraine et de la Bourgogne, protagonistes du drame où l'unité de la France a triomphé, comme elle avait triomphé dans un autre drame, encore plus terrible, 38 ans auparavant, grâce à Jeanne, la bonne Lorraine. Notons au passage la réapparition dans les discours de la bonne Lorraine, qui, sauf oubli de ma part, avait disparu depuis 1892. Un moment quand même où Jeanne, la figure de Jeanne est centrale, puisqu'on est en train de la déclarer vénérable, bienheureuse, puis sainte. Inzelin nous dit encore que les descendants de tous les braves qui ont combattu les uns contre les autres devant Nancy le dimanche 5 janvier 1477 sont actuellement nos amis ou nos frères. D'une part, nos amis, nos grands amis de Suisse. D'autre part, nos frères du duché de Bourgogne et nos frères de la comté de Bourgogne, c'est-à-dire de Franche-Comté. Enfin, nos frères d'Alsace, les uns et les autres, français pour toujours, comme nous, Lorrains. On notera quelques incongruités héraldiques qui prouvent la difficulté, malgré les beaux discours, de concilier ces deux discours, c'est-à-dire celui de l'hommage au prince médiéval victorieux et celui de la nation républicaine réunie. Je fais le parallèle avec la brochure d'Edmond des Robert de 1907-1908. La perception de l'événement a évolué au gré du temps, au gré des changements historiques, politiques et sociaux. Cette évolution a créé des effets de distorsion mémorielle, mais de 1477 à 1928, les Lorrains n'ont pas souffert d'amnésie collective, car le souvenir du 5 janvier 1477 restait bien gravé dans leur mémoire. C'est aujourd'hui nettement moins vrai, mais peut-on vraiment parler de nos jours d'amnésie collective ? Total. Je ne le pense pas. Elle n'est que partielle et finalement sans doute très significative et paradoxale. En effet, entre 1928 et nos jours, la Croix de Lorraine, ça a été rappelé tout à l'heure, est devenue un emblème de dimension nationale. Elle s'est chargée d'une forte valeur symbolique pour la République française. Elle incarne la France libre et la résistance, comme en témoignent ces quelques images. Or, depuis quelques années, les porteurs du souvenir de la bataille de Nancy ont changé. Vous noterez ici donc, c'est les nationalistes lorrains, c'est le parti des nationalistes, c'est une branche du parti nationaliste. Donc c'est le Parti nationaliste lorrain qui commémore donc tous les 5 janvier depuis 3-4 ans le 5 janvier. Alors là, les commémorations préexistaient à l'initiative de Jean-Marie Cuny avant. Maintenant elles sont aussi donc le Parti nationaliste y participe aussi. Alors vous voyez donc bon alors une image de René II, ça on passe. La croix celtique du Parti nationaliste, avec là en marge leur petit logo pour le Parti nationaliste lorrain. Alors, la Francisque, encore une fois la croix celtique, avec donc. Non, alors, ça c'est l'après-commémoration, hein, c'est la partie un peu festive dans un deuxième temps. Donc, les t-shirts, j'ai traduit, c'est aujourd'hui le chaos, demain l'ordre nouveau. Voilà, indéniablement, les protagonistes de ces cérémonies prônent des valeurs résolument opposées à celles des hommes à qui l'on doit la réalisation du monument, des républicains plutôt progressistes, et à celles du symbole porté par le vainqueur du téméraire, cette croix de Lorraine devenue emblème de la France libre. Ce paradoxe doit sans conteste nous inciter à encore mieux connaître notre passé, celui de la Lorraine, celui de la France aussi, bien sûr, et à mieux le faire connaître. Il faut que chacun puisse en conserver une mémoire juste et non dénaturée. C'est dans ce sens que le médiéviste que je suis a tenté aujourd'hui d'œuvrer, et j'espère que cette incursion jusque dans la société actuelle pourra être utile. Le devoir de l'historien est aussi là. Je vous remercie de votre attention.